Tu entends ? Non. Tu n'entends pas ? Non. Tu n'entends pas ? Non. Qu'est-ce que tu entends ? Un ronflement. Et tu ne sens rien ? Non, qu'est-ce que tu sens ? Comme un parfum. Je ne sens rien, je n'entends rien. C'est peut-être le vent. Le vent ne sent rien. Là, tu as raison. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Réfléchissons.